Selon Yonhap News, le commandement de la deuxième flottille de la marine sud-coréenne a livré depuis le 15 jusqu'au 17 février les exercices mobiles navals au littoral ouest de Taehan, province de Chungcheong du Sud. Y ont été mobilisés 10 bâtiments, y compris la frégate Dernier Cri, le patrouilleur maritime, l'hélicoptère d'opération navale de type nouveau de la flottille, ainsi que 9 avions de l'armée de l'air pour livrer les exercices de tir à balles réelles sur des cibles aériennes et maritimes. Par ailleurs, la première brigade d'artillerie de l'armée de terre sud-coréenne projette d'effectuer les exercices mobiles les 22 et 23 février à Pazu, Yangzhou et Koyang de la province de Gyeonggi.